إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام نحمد الله تبارك وتعالى الذي أنزل كتابه تبيانا لكل شيء أو شير فرير نلوم الله تبارك وتعالى celui qui a fait descendre son livre par éclaircissement pour toute chose. Il a tout éclairci تبارك وتعالى pour nous. Il est celui qui nous dit « Wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. » Par l'asr, tous les êtres humains sont dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres. Et qui se sont enjoints la patience, qui se sont enjoints la vérité, et se sont enjoints la patience. Qala ahlu tafsir, inna al-murad biqawlillahi tabaraka wa ta'ala wal 'asr, ay anna Allah ta'ala aqsama bil 'asri ay as-salat. Certains savants parmi les gens du tafsir, d'exégèse, ils nous disent lorsque Allah nous dit wal asr, c'est-à-dire qu'Allah il a juré par al asr, la prière qu'on appelle al asr. Et d'autres qui nous disent al asr ay al waqt, c'est-à-dire le temps. Hadha al waqt alladhi tajri fihi a'malu al ibad, ce temps durant lequel se produisent les œuvres des serviteurs. وهذا الوقت الذي يضيعه كثير من الناس, ce temps que beaucoup de personnes vont gaspiller, ce temps que beaucoup de personnes vont perdre. أيها الناس ضياع الوقت أشد علينا من ضياع المال. Oh gens, le fait de perdre notre temps est plus dur, est un plus grand mal nous concernant que le fait de perdre de l'argent. فإن المال يذهب ويعود وأما الوقت فلا يعود. Car certes l'argent, il va et vient. L'argent va et revient. Mais le temps ne revient pas. Le temps ne revient pas. Et donc nous devons faire en sorte de préserver notre temps. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de ceux qui n'ont pas préservé leur temps. Et il nous dit, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Et lorsque la mort viendra à l'un d'entre eux, lorsque la mort lui viendra, il dira: ô Seigneur, permets-moi de retourner, sur la dunya, afin que je puisse accomplir de bonnes œuvres dans ce que j'ai délaissé. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque ton temps déterminé est arrivé, il ne le retarde pas. Et c'est pour ça qu'il nous dit tabaraka wa ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin wa lan yu'akhir Allah nafsan idha ja'a ajalaha wallahu khabirun bima ta'malun. Avant que ne vienne à l'un d'entre vous la mort et qu'il dise: ô Seigneur, si tu pouvais retarder un peu mon échéance, mon échéance, afin que je puisse donner de l'aumône et que je fasse partie des pieux. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala ne retardera pour personne l'échéance lorsque celle-ci vient. Et Allah sait clairement ce que vous accomplissez. Fahaoula innas. إذا جاءت قيامتهم نادموا أشد الندامة. Et donc ces gens-là, lorsque قيامتهم, lorsque la mort vient à eux, ils regrettent profondément. Qu'est-ce qu'ils regrettent? Ils regrettent tout ce temps qu'ils ont perdu, tout ce temps qu'ils ont laissé passer soudain, c'est-à-dire en vain. Et rappelez-vous, في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان معبود فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il dit: il y a deux bienfaits d'Allah que beaucoup de personnes ont négligé, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الناس، أيها المسلمون، فقد أخبرني مخبر ببداية بطولة أمم إفريقيا. Oh, chers musulmans, une personne m'a informé du début, du commencement de la Coupe d'Afrique des Nations, compétition de football. Et ça, c'est un sujet qui attriste en réalité. لا يعرفون متى تكون بداية الأشهر الحرم. Beaucoup de personnes ne connaissent pas quand commencent les mois sacrés. لكنهم يعرفون بداية هذه البطولات. Cependant, ils connaissent le début de ces compétitions. ويعرفون جميع المباريات. Ils connaissent tous les matchs. À quelle heure, sur quelle chaîne? Et encore pire, ils connaissent les joueurs. La ya'rifun kayfa yakunu taqdiri awqat as-salawat allati yusallunaha kull yawm. Ils ne savent pas comment déterminer le début du temps des prières qu'ils accomplissent tous les jours. Mais on sait à quel moment se fait telle ou telle compétition de football. فَيُضَيِّعُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِي هَذِهِ الْبُطُولَاتِ. Ils vont perdre leur temps dans ces compétitions. وَقَدْ أَفْتَى الْعُلَمَا. Que l'imam Ibn Baz, وَالْعُثَيْمِينَ وَالْفَوْزَانِ فِي حُكْمِ مُشَاهَدَةِ هَذِهِ الْمُبَارَيَاتِ. Et certes, les savants ont émis des fatwas. Des savants tels que le Cheikh Ibn Baz, l'imam Ibn Baz, ainsi que l'imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ainsi que l'imam Al-Fawzan rahmatullahi ala al-jami'. Ils ont émis des fatwas concernant le jugement de regarder des matchs de football. Wa qalu bi tahrim dhalik. Et ils ont dit que cela est interdit. فإن هذه المباريات شغلت الناس عما ينفعهم. Car ces matchs ont éloigné les gens et les ont distraits de ce qui leur est profitable. شغلت هما الصلاة. Elles les ont distraits de la prière. شغلت هما تعلم دينهم. Elles les ont distraits de l'apprentissage de leur religion. وهذه المباريات سبب لكثير من العداوات الواقعة بين المسلمين. Et ces matchs sont la cause de beaucoup d'animosité qu'il y a entre les musulmans. Je l'ai vu de mes propres yeux lorsque j'étudiais en Égypte et qu'il y a eu un match entre l'Égypte et l'Algérie. Et que ce match a mal tourné. Un jour, en sortant d'une mosquée, j'ai entendu un jeune qui insultait les Algériens. Alors je suis allé le conseiller à Afri. Haoula ikhwatouk. Oh mon frère, ces gens-là, ce sont tes frères. Limada tasoub boulbada kullahu. Pourquoi est-ce que tu insultes un pays tout entier? Il m'a dit Haoula ikoufar. Il m'a dit ces gens-là sont des mécréants. Regardez jusqu'où ça les a poussés. Le fanatisme pour le match de foot. وهذه المباريات فيها تساهل شديد في ستر العورة. Il y a dans ces matchs une négligence profonde concernant le fait de cacher les parties qui doivent être cachées du corps. Les parties qui doivent être couvertes, العورة. Abu Daoud, et il nous cite dans son Sunan, selon Jarhad, qui nous dit جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذ منكشفة. Il nous dit Jarhad, le prophète صلى الله عليه وسلم s'est assis avec nous. عندنا, auprès de nous, il était là. Et ma cuisse, elle était découverte. Ma cuisse était découverte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ama alimta anna al-fakhidha awra. Ne sais-tu pas que la cuisse est une awra? Une partie qui doit être couverte. Et dans une autre narration, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam Ratti fakhidak. Fa inna al-fakhidha awra. Couvre ta cuisse. Car la cuisse est une awra. La yajuzu lana an nandura ila hadhihi al-umur. Il ne nous est pas permis de regarder ce genre de choses. T'est-il permis, oh mon frère, de regarder les parties d'un individu, les parties d'un homme? Ses parties intimes? Non! De la même façon, il ne t'est pas permis de regarder ses cuisses. Parce que ses cuisses font partie de sa aura. فَكَيْفَ يَفْعَلْ هَؤُلَى الَّذِينَ يُشَاهِدُونَ هَذِهِ الْمُبَارِيَاتِ يَوْمِيًّا. Comment font ces gens qui regardent ces matchs tous les jours? À tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement normal de s'habiller comme ça. Je dirais même plus grave. C'est devenu totalement normal de venir à la mosquée avec des shorts comme des sous-vêtements. À la mosquée. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum. Nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce que nous regardons. Nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant notre temps. Nous serons interrogés Yawm al-Qiyamah concernant notre temps, ce que nous en avons fait, concernant notre santé, comment nous l'avons utilisé. Efforcez-vous, mon cher frère, de ne pas gaspiller votre temps avant qu'il ne soit trop tard. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika fi a'malina wa an yubarika fi shababina innahu ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus salat.